manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et sur le net rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 567e émission Johnny de A à Z avec aujourd'hui un thème, Johnny et la chanson française. Johnny va reprendre pendant deux heures des grands titres de la chanson française comme l'hymne à l'amour et maintenant ne me quitte pas sur ma vie, le petit cheval blanc. En fin de compte, deux heures d'extrait studio, radio, TV, live, en solo ou en duo. Johnny aura repris dans sa carrière de nombreux titres d'artistes français dont il avait de l'admiration, et comme je vous l'ai dit, que ce soit à la télévision, à la radio ou même sur scène. Et on va commencer tout de suite. Le premier de ces artistes de la chanson française est Maurice Chevalier. Oui, élevé dans une famille d'artistes, Johnny a connu les tournées dès l'enfance. Sur son chemin d'apprenti chanteur, il croisera la route d'un certain Maurice Chevalier qui lui donnera un conseil. Moi, j'ai connu Marne la Coquette parce que quand j'étais môme, j'avais été invité à déjeuner par Maurice Chevalier dans sa fameuse maison qui s'appelle toujours La Louque. Et je devais avoir 14 ans. Donc voilà, je me pointe chez lui avec ma guitare, puis je chante deux, trois chansons. Puis il me dit, c'est bien. Il me dit, c'est là qu'il m'a sorti sa fameuse phrase. Soigne toujours ton entrée, soigne toujours ta sortie, parce que c'est ce que les gens se rappellent. Quand tu arrives sur scène et qu'on te voit, et quand tu t'en vas, parce qu'après ils ne te voient plus. Au milieu, tu te démerdes, tu chantes. Voilà. Alors, donc, je vais toujours garder ça, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire des entrées un petit peu grandioses, et puis des sorties. C'est vrai que c'est deux choses importantes dans un concert. Et puis là, il m'a dit, bah, tu vas rester pour déjeuner avec moi. Donc j'ai déjà avec lui, il nous a fait un pas de pâte avec du fromage dessus. Et puis, comme il était quand même un peu radin, malgré tout l'argent qu'il avait, c'est son pianiste qui l'accompagnait sur scène, qui faisait la bouffe et qui faisait le ménage. Donc voilà, donc il avait la même personne. Et à la fin, il lui dit, est-ce que Monsieur Chevalier prendra du fromage en dessert? Il fait, vous êtes pas fou, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. On va l'appeler Daniel, tiens. Hein? Vous n'êtes pas fou, Daniel? On a déjà eu du fromage sur les pattes. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Bon, moi, j'ai trouvé ça formidable. Mais c'était un homme adorable, c'était un homme touchant. Après, il m'a dit, viens, je vais faire quelques pas dans le jardin. À l'époque, il marchait déjà difficilement. Alors, il fait quelques pas, il s'assoit sur le banc dans le jardin. Et puis, il me dit, assieds-toi à côté de moi. Il discutait, c'était un homme charmant. Et Johnny ne reprendra qu'un seul titre de Maurice Chevalier, Valentine, pour la télévision, le 30 mars 1967, dans l'émission Palmarès de la chanson, animée par Guy Lux. Elle avait de tout petits boutons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petites dons que je tâtais à tâtons. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine. Outre ses petits, petits boutons, elle était frisée comme un mouton. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plus, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits petons que je t'avais à carton. Tant au contraire, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits tétons, et je ne m'en rappelle plus du tout. Johnny, Johnny, je vais te poser une question, Johnny. Je crois que dans une chanson de Chevalier, il y a à peu près 50 fois plus de mots que dans une chanson d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que Chevalier serait très vexé d'avoir entendu sa chanson. Oh, pas du tout, j'en suis, il était ravi quand je lui ai dit. Alors, étant donné que tu as à peu près 50 fois plus de mots dans une chanson de Chevalier que dans une chanson habituelle, si tu veux, et le public semble le vouloir, on repart pour un deuxième et dernier refrain, c'est ok? D'accord. Allez, oh, ok, tous en cœur. Elle avait de tout petits bétons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons, je t'attends à ta tour. Ton compagne, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Petit. Était frisé comme un mouton. Depuis qu'il est enfant, Johnny aime chanter du Brassens. On est certain qu'il connaît La Mauvaise Réputation, Le Petit Cheval ou Le Gorille par cœur. Au cours d'émissions de radio, il a déjà eu l'occasion de chanter, d'interpréter Le Parapluie. Et on va le retrouver d'ici quelques instants, ce parapluie que Johnny avait chanté au profit d'un album dont les bénéfices des ventes iraient à l'aide aux enfants malades. Et l'arrangement moderne ressemble par moments à celui employé par Bachung sur la chanson Osez Joséphine. Mais on va retrouver ça d'ici quelques secondes. On va écouter Johnny en train de chanter quelques secondes de Brassens, La Femme du Vidangeur ou encore Le Gorille, et puis après on se retrouve. On se retrouve juste après ces deux extraits. Quelles étaient tes idoles de tes débuts? Oh, il y avait Elvis Presley, il y avait Georges Brassens, bizarrement, qui n'était pas du tout rock'n'roll. Le matin, l'idée m'est venue, créneau de Dieu d'enculer un pendu. Le vent soufflait sur la potence, v'là mon pendu qui se balance. Je suis obligé de l'enculer en courant, créneau de Dieu, on n'est jamais content. La femme du vidangeur préfère à toute odeur l'odeur de son amant qu'elle aime éperdument. Il y avait deux amants qui s'aimaient tendrement, qui s'aimaient par devant, par derrière. Il y avait des amants qui s'aimaient, qui faisaient par derrière ce qu'on fait normalement par devant. T'es ta gueule, sa putain, t'as ton cul contre le mien, tes tétons sont plus durs que mes fesses. T'es ta gueule, sa putain, t'as ton cul contre le mien, tes tétons sont plus durs que les miens. Garogorille. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille sans souci des candidats. Avec un pudeur ses commères, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Johnny Hallyday à l'instant, le top à Johnny en 1972, le 18 mars exactement. 10 ans auparavant, en 1962, à l'École des Vedettes, c'était le 12 février 1962, Aimé Mortimer, sur le plateau de À l'École des Vedettes, s'entretient avec les chanteurs Georges Brassens et Johnny Hallyday. Après leur avoir trouvé le point commun de ne pas aimer s'exprimer, elle leur demande à chacun ce qu'ils pensent de l'autre et disent s'apprécier mutuellement. Johnny Hallyday, Georges Brassens, asseyez-vous. Et parlons un peu. Vous avez un point de commun tous les deux. Si étonnant que cela puisse paraître, oui, vous avez un point de commun. Vous ne devinerez jamais lequel, hein? Non, vraiment pas. Ben, vous n'aimez parler ni l'un ni l'autre. Oui, on est complètement idiots. J'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que vous étiez dans le genre muet. C'est-à-dire que les micros et les caméras nous gênent un peu. Bon, alors ce soir, vous allez faire un petit effort. On n'a pas votre métier. Oui, mais si. Alors vous allez faire un petit effort. On n'a pas s'occuper, surtout. Oh. Alors là, je ne dis plus un mot maintenant. Alors je vais simplement vous laisser dire l'un de l'autre ce que vous pensez. Ah. Là, vous êtes bien embêtés. C'est le toupet, ça. C'est le toupet. Alors, Georges, qu'est-ce que vous pensez de Johnny? Il est très sympathique. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une efficacité énorme sur le public. Personnellement, vous savez que la musique de danse ne m'a jamais tellement passionné. Non, vous m'avez dit que vous ne vouliez même pas danser une valse avec moi. Non, je ne me lèverai pas la nuit pour écouter de la danse. Non, mais... bien sûr. Mais enfin, vous aimez bien Johnny. Oui, parce qu'il est très sympa et puis c'est ce qu'il a. Merci, Georges. Il a bon, alors, Georges, lui... que c'est se tenir en public, surtout. Georges a des choses à dire. Il a des choses à dire de son admiration pour vous. Johnny. Oui, moi d'abord, comme j'ai dit... je ne sais pas, mais ce que j'aime en toi, c'est... Je ne sais pas, moi je t'admire beaucoup, tu le sais d'ailleurs, je te l'ai déjà dit souvent, je t'ai dit tout à l'heure en coulisses. Ça se dit pas, ça, ne le dis pas, bah, c'est... Non, mais je crois qu'il a chanté même tout au départ, il a chanté... Oui, il paraît qu'il a débuté. Il y a 3 ans, il y a 4 ans même, j'ai chanté les chansons de Georges, j'ai chanté Le Petit Cheval, Le Parapluie. Ben, j'aimerais bien un jour entendre ça. Oui, vous voyez à quoi ça mène, hein. Ça mène au twist. Voici Le Petit Cheval Blanc de John Hayder 1964. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tout derrière. C'était un petit cheval blanc, tout derrière et lui devant. Jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village à travers la pluie noire des champs, tout derrière. À travers la pluie noire des champs, tout derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tout derrière. C'est alors qu'il était content, tout derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tout derrière. Il est mort par un éclair blanc, tout derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni devant. Vous savez, j'adore Brassens. Ce matin, l'idée m'est venue, crayon de nez d'enculé rependu. Non, mais enfin, je peux me laisser aller un peu. Non, je peux me laisser aller. Non, mais ça me passera peut-être pas, mais bon. Écoute-moi, le vampire, sur l'importance, le vampire qui se balance. Crayon de Dieu,

sous la pluie. La mer au ciel d'été, quand font ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. J'espère que Céline n'a pas écouté. Non, c'est bien, c'était parfait. Septième chanson. Ah, une chanson que vous avez dû fredonner quand vous aviez 12-13 ans. Je me voyais déjà, Charles Aznavour, il n'avait pas écrit à l'époque. Quel meilleur ton, là? Je sais pas. Ça, c'est le bon ton, ça. Bon, on va essayer. On se tient à l'eau. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, et 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà à Tuileries, signant mes photos aux admirateurs circulaires. C'était le plus grand des grands fantaisistes de voir un succès si fort que les gens m'acclamaient de goût. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon tour. Ça aurait dû être plus juste. Non, mais c'est bien. Alors maintenant, la 9e chanson, un certain Sardou, un jeune qui débute, Michel Sardou, non. La maladie d'amour. Je te signale que je crois qu'il nous écoute. Il nous écoute? Je crois qu'il nous écoute aujourd'hui. Bonjour Michel. Non. Alors, vous nous aidez, hein? On veut pas si c'est stropi ta chanson. Allons-y. Coucou. elle court, la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants, elle fait à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. C'est pas mal. Bon. À part la fin. Bon, Pierre Dudan, Clopin, Clopin. Oh. On parlait de Bruno tout à l'heure avec François Reichenbach. Voilà, belle base. C'est bientôt ton tour. Hein. Qui tient vraiment? Et je m'en vais, Clopin, Clopin, dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur s'enfêle. Des souvenirs qui s'amoncellent, et je m'en vais, clopin, clopin, en promenant mon cœur d'enfant. Comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile. Ça fait si mal au cœur d'enfant. S'en va seul, clopin, clopin. Très bien, ça fait 9, bravo. C'était formidable. Maintenant, la 10e, n'est-ce pas? Avec des musiciens? Il faut faire gagner ses petites. Absolument. Charmante blonde. Pas qu'à être ridicule, allons-y tout de suite, allons-y. Bon, est-ce que je suis accompagné par tes musiciens? Ben oui. Vous allez me faire, s'il vous plaît. Deux tons plus bas. Oui, deux tons plus bas, oui. Au moins deux tons plus bas. Au moins deux tons plus bas, oui. J'ai oublié de vivre. Mais oui, Johnny, je vais te faire ça. Oui, toi, oui. Non, c'est un fa, hein. Non. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans la salle? Bon. Qui m'aime, hein? Force de briser. Oui. À force. Attends, que ça commence. Oui, d'accord, mais tu m'aides, hein, tu m'aides. On y va? Ah ouais, vas-y. Oh, ça c'est émouvant, ça. Si ma mère me voyait, avec tous les musiciens de Johnny Moore. À force de briser. On y va? À force de briser. Attends. Non, je me fais la voix. Tu es pressé ou quoi? Alors allez-y. Je démarre au top. Costa, je démarre au top. brisée dans mes mains de guitare. Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Eh bien, bravo. Bon, 10 sur 10, hein, 10 sur 10, grâce à qui, hein, bon. Le 1er novembre 1975, Johnny est convié à l'émission des Carpentiers numéro 1, consacrée à Michel Sardou. Ensemble, ils interprètent Les Villes de Solitude, chanson de Michel Sardou de 1973. Grande solitude, moi le passant bien protégé par 2000 ans de servitude et quelques clous sur la chaussée. Dans les villes de grande solitude, de nouvel an en nouveau-né, quand j'ai bu plus que d'habitude, vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater une banque, de se crucifier le caissier, d'emporter tout l'or qui nous manque et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grande solitude, tous les héros se sont pollués cheminée du crépuscule, et leurs torrents se sont calmés. Alors je fonce comme une bête, et sur le premier sens interdit, au café rouge je ne m'arrête. Je me sens bien. Solitude. Quand l'alcool s'est évaporé, je replonge dans la multitude, il défile au pas cadencé. J'ai peur d'avoir brisé des vitres, d'avoir éveillé les voisins, mais je suis rassuré très vite. C'est vrai que l'on ne casse rien. C'est vrai que l'on ne casse rien. Dans les villes de grande solitude, c'est vrai qu'on ne casse rien. Solitude, c'est vrai que l'on ne casse rien. Dans les villes de grande solitude, Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. C'est dans l'émission Johnny de A à Z. À l'instant, les villes de solitude, Michel Sardou et Johnny Hallyday. Michel Sardou qui interprétait cette chanson lors de son dernier concert, son concert d'adieu, c'était en 2024 également. Ce soir, émission spéciale, émission qui a la thématique les Johnny Hallyday et la chanson française. On va passer maintenant sur un grand chanteur, un monument de la chanson française, Charles Aznavour. Johnny disait de Charles Aznavour qu'il était son père spirituel. On écoute tout de suite Charles Aznavour parler de son amitié avec Johnny. J'aimerais maintenant vous demander d'accueillir mon père spirituel. Je crois que j'ai commencé vraiment à être pris au sérieux le jour où Charles m'a écrit une chanson. Je lui ai dit, tu devrais chanter des textes un peu plus élaborés parce que ta survie, elle est là. Et il a pas dit non, il a dit, tu t'as qu'à m'en faire une, il m'a dit. Retiens la nuit. Jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit. Il se trouve que il était à ses tout débuts et que j'étais probablement la première vedette importante qu'il rencontrait. Contre ton corps, j'avais 17 ans à peu près. Au tout début, je commençais à chanter. Je sais pas pourquoi, il s'est pris de sympathie pour moi. Il avait une superbe maison à Montfort-la-Maurie. Il m'a pris en me disant, petit, tu restes avec moi. Je suis resté là, non, chez lui. Il m'a offert un cheval et je vivais chez lui. À l'époque, on disait qu'il était né dans une grande ferme au Texas et qu'il venait des États-Unis. D'abord, la première chose, je lui ai dit, tu peux pas continuer à dire une chose pareille parce qu'un jour, tu seras une vedette et puis il te sera difficile d'en sortir. On peut pas inventer une légende et se tenir à une fausse légende. Moi, j'aime beaucoup Aznavour parce que Charles Aznavour a toujours été un grand artiste qui a donné, en étant une grande vedette, sa chance aux jeunes artistes qui étaient en fin de compte des débutants, parce que moi à cette époque-là j'étais un débutant. Je l'ai un petit peu pris, non pas sous mon aile, ça serait trop dire, mais en tout cas j'ai voulu prouver que quelqu'un d'une autre génération s'intéressait à ce garçon qui avait beaucoup de talent. Sur ma vie, j'avais juré un jour de l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout, le mal qu'elle m'a fait. Sur ma vie, c'est vrai, je l'aimerai. Monsieur Charles Aznavour. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Je t'attendais, mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré

soir, on écoute dans l'émission Johnny de A à Z, Johnny en train de reprendre des standards de la variété française ou de la chanson française, notamment le titre « Tous les garçons et les filles » de François Hardy. François Hardy racontait dans le magazine Télérama en 2017, juste après la mort de Johnny Hallyday, « Johnny et moi étions nés dans la même clinique, lui aussi avait grandi dans un milieu populaire à trois pas de chez moi. Lui, Jacques, en parlant de Jacques Dutronc, et moi avons passé toute notre jeunesse à quelques mètres les uns des autres, ça crée des liens invisibles. » Et on connaît deux duos, du moins moi je connais deux duos, Johnny Hallyday et François Hardy. Bill Bocquet en 1969 dans le show Smet et Tous les garçons et les filles lors des Sunday Rock en été 84. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, comme moi, elle est très belle, elle écrit de belles chansons, mademoiselle François Hardy. Génie. Pas de quoi, je mets mon casque là maintenant. Bon alors attends. Tu sais que, bon, j'ai toujours été moi vouloir toi. Je suis troublée. Moi, j'ai là. Toujours été un peu amoureux de toi, je tiens à le dire, parce que d'autant plus que... C'est vrai, je le dis aujourd'hui pas en public. J'ai toujours été un peu amoureux de Françoise, d'abord parce qu'elle est très c'est belle. C'est gentil pour Nathalie, c'est là vraiment, je serai à sa place. Mais je le dis d'autant plus que, Jacques c'est mon copain et que je préfère lui dire qu'il le sache. Bon, tu sais qu'aujourd'hui, on a notre ami Laurent Voulzy qui est revenu nous voir, qui est passé, pas par hasard, parce que je lui ai demandé de venir, parce qu'il joue mieux la guitare que moi. Et puis que, si c'est vrai, il faut bien... Combien dire les choses comme elles sont. C'est ce qu'on appelle le fanatisme, là, et vraiment. Et puis que moi, j'avais depuis le temps, on ne l'a jamais fait, j'avais envie de chanter une chanson avec toi, une chanson de toi, bien sûr. Et puis... Alors, on a pris la plus difficile de alors, tout mon répertoire. Oui, on a eu surtout, beaucoup de mal à trouver. Et hein. Très haute pour moi. Alors, on va essayer de la chanter. Ça va être un trio, finalement. Ça va être très dur. Hein. Il faut que vous soyez très indulgent. Parce que... C'est tous les garçons et les filles, qui est une belle chanson. On va essayer, hein, je vous promets rien. Oh oui, ça, vraiment. Il faut que vous chantiez avec nous, d'ailleurs, en principe. Hein. Alors, si je t'entends pas, ça va pas. Oh. Ouais, là, c'est notre série slow, vous pouvez danser. Hein. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Et tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure, je t'aime. Garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Eh bien, c'est une bien belle version. Grâce à toi, tout va s'arranger. Tu non, sais que... Je pense à la chanson encore. C'est vrai. Écoute, plus ça va, plus t'es belle. Mais c'est ce que je disais. C'est vrai, non? Il faut qu'elle écrive une autre chanson maintenant. Françoise, merci d'être venue nous voir à Sunday Rock. Oui, je suis très contente. Et puis, moi, je suis fou de joie. Et je pense qu'ici, tout le monde est vraiment fou de joie.

tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elle dise qu'elle nous aime, on irait me faire les pieds au mur. De toute façon, elles sont toutes belles. Toutes les amies. Quand parfois avec une fille je danse, il m'arrive de faire des plans à toi. Et moi confidence pour confidence, ouais, dis-moi, ouais. Je timide aussi quelquefois. Tous les mêmes, tous les mêmes. On peut tout leur faire mais à condition. Ça c'est bien vrai, ouais, qu'elles nous aiment, qu'elles nous aiment. Apprendrait même à jouer du violon. Cooner ou ministre, tous les hommes apprennent à faire le beau. Et pour les filles, ils sont un peu artistes. Chacun doit faire son numéro. Tous les mêmes, oui, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Qu'on me dise oui, qu'elle nous aime, on irait me faire les pieds. Tous les mêmes, on ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elle dise. Soucis sans problème. Oui, la belle vie, on est seul et on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Ah, c'est vrai. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis et sans problème. Tu connais ça, non? Ouais. Ouais. La belle vie, on s'en lasse, on est triste, et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Je serai là. Tu seras là. Pour toi. Oui, pour moi. S'amuse à passer avec tous ses copains. Oh, et des nuits blanches, moi qui se penche sur les petits matins. Amour sans souci et sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense, Sacha, oui, que je t'aime. Chance. Et quand tu auras compris, réveille-toi, oh, réveille-toi, je serai là, oui, tu seras là, pour toi, oh, pour moi, réveille-toi, je serai là. Merci Sacha. Allez-y. Johnny qui avait fait quelques premières parties avec Sacha Distel pour les shows de Sacha Distel au début de sa carrière. À présent, nous allons venir à un titre de Gilbert Bécaud. Et maintenant, cette chanson, Johnny l'a enregistrée sur l'album collectif enregistré en hommage au chanteur, compositeur et pianiste français Gilbert Bécaud, dans lequel 15 artistes reprennent une de ses chansons. Cet album, Et maintenant, sort le 5 décembre 2011 à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de la disparition du chanteur. Et en clôture de cet album hommage, Johnny interprète Et maintenant. Maintenant, justement. Le voici dans l'émission Johnny de A à Z. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pour toi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pour toi, qui bat trop fort, oh, trop fort. Et maintenant, oui, que vais-je faire, vers quel néant et glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, tu sais, c'est tout petit. Pour mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières, et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien

Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, et je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Et je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, oh, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, quitte pas. J'aurais aimé avoir Brel comme père. Voilà, si j'avais le droit de choisir un père. C'est quelqu'un qui venait me chercher, il avait une drôle de santé, hein, parce que quand même, Brel, il fallait le suivre. C'est quelqu'un qui conduisait toujours son petit avion. Alors j'allais en tournée, puis alors je chantais un soir à Grenoble, un autre soir à Trouville, au casino de Trouville. Bon, et il venait avec son petit avion, il venait me chercher à 9h du matin. Alors on s'était quand même couché quand même très tard. Il dit, viens, je t'emmène. Et il m'emmenait à 2 heures d'avion dans un restaurant super pour manger. Et il me ramenait au spectacle le soir. C'est quelqu'un qui dormait jamais. Et après le spectacle, on discutait des heures et des heures dans le hall de l'hôtel. Il se couchait à 5 heures du matin, mais à 9 heures, tac, tac, tac. Bon, t'es pas encore prêt, on y va. Et voilà, moi j'ai une admiration sans borne pour Brel. D'ailleurs, j'avais déjà chanté « Ne me quitte pas ». Sur scène, et puis là, bon, il se trouve que c'est pas une chanson qu'il a composée, qu'il a écrite lui-même, mais quand j'avais été le voir dans Don Quichotte, je l'ai trouvé tellement extraordinaire, je l'ai trouvé tellement admirable, tellement porter ses sentiments comme ça, où c'était, c'est le seul, c'est la seule, seul artiste qui m'ait fait pleurer sur, sur scène. Et la quête, bon, la quête, c'est, il fallait que je fasse cette chanson parce que c'est quelque chose qui me rappelait des tas de souvenirs, des tas de choses par rapport à lui, par rapport à moi, par rapport à notre étoile, à notre bonne étoile. Parce qu'on a tous une bonne étoile quand même, malgré tout. Voici La Quête, Johnny Hallyday, au Vieille Charrue. C'était en 2006. Rêver à l'impossible rêve, porter le chagrin des départs et brûler d'une impossible fièvre, oui, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer, et même trop, même mal, et tenter, sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile. Chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'heure d'un mot d'amour. Et je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Et brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre sans les carteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi, l'amour à en s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Mais quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans l'une autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Mais quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Mais quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dans l'unique combat et de chercher le jour. Mais quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Mais quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis. Le monde entier. Merci. Je vous aime. Bonsoir. On n'a que l'amour, la chanson de clôture de la tournée Born Rocker Tour en 2013. Le 5 février 1982, c'est sur RTL que Johnny démarre sa campagne promotionnelle, le jour même de la sortie de son disque « Quelque part un aigle ». Et les heureux auditeurs ont eu droit à quelques titres de ce nouvel album et aussi à une interprétation inédite de « My Way ». Johnny qui interprète les grands standards de la chanson française. Bon, là, c'est un standard américain, mais d'une chanson française par Jacques Revaux et Claude François. Voilà, c'était comme d'habitude. Et là, nous allons retrouver Johnny Hallyday en duo avec son copain de la Trinité, Jacques Dutronc. Et bien maintenant, un invité très spécial. Un copain de très longtemps, Jacques Dutronc. Dites donc, tous les deux, vous vous êtes retrouvés très souvent sur la scène du golf Drouot et jamais ailleurs. On s'est retrouvés souvent, oui, mais tu sais qu'on n'a jamais chanté ensemble. Alors, ouais, on n'a jamais chanté ensemble. Oui, mais oui, d'accord. Est-ce qu'on peut espérer vous voir maintenant chanter une chanson tous les deux? Est-ce qu'il y en a une que vous connaissez tous les deux? Oui, oui. Oui, et moi, et moi, et moi. Eh ben, allons-y. Chez moi, mon mal de tête, mon point au poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi, avec ma voiture et mon chien, sans qu'un égouttant qui la voit, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 4, 100 millions de j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes manies et mes tics, oui, dans mon petit lit en plume d'oie, mais j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, oui, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi, qui regardent à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Oui, 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi, et lui, avec mon régime végétarien et tout ce whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. Un duo, et moi, et moi, et moi. Pour Sunday Rock, un duo exceptionnel, une fois de plus. Ah, ça me rappelle Jacques Bolson. Il y a un autre Jacques qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est Lanzmann qui avait écrit cette chanson, les paroles de cette chanson. Ah oui. Tu ne travailles plus avec Jacques? Non, c'est une sorte de divorce, chacun se paye sa pension et tout va bien. Voilà, tout va bien. À présent, Johnny Hallyday a interprété Édith Piaf sur scène. Il a repris deux titres, L'hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien. Fabien Lecoeuvre, biographe et puis Monsieur Je sais tout, racontait une anecdote mettant en scène le taulier. Il raconte qu'à l'occasion d'un dîner de la star, Bruno Catrix, propriétaire de l'Olympia, organisa un dîner entre Johnny et Édith Piaf. Fabien Lecoeuvre confie, et pendant tout le dîner, Édith Piaf, très séduite par le charme du jeune Johnny Hallyday, lui faisait un rentre-dedans incroyable, presque indécent, et il était super mal à l'aise. Le jeune chanteur met alors au point un stratagème pour fuir cette situation délicate. Il réussira à partir plus tôt et à se lever de table en disant « Je vais me coucher parce que demain je rechante sur scène ». Édith Piaf réussit néanmoins à le retenir en tentant de lui donner quelques conseils. L'histoire se termina bien selon le biographe et Johnny était donc l'idole des jeunes et des moins jeunes. On le retrouve au micro de Soir 3, c'était le 1er juillet 1996. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre, oui, peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Dans dans une chanson comme l'hymne à l'amour. Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement, Johnny? Ce qui me touche surtout, c'est quand j'ai entendu cette chanson chantée par Piaf, quoi. Pour moi, c'était un grand moment. Je l'ai entendu chanter par Piaf. Je crois que c'est la dernière fois qu'elle a fait dans la Piaf. Il y aurait uni ce qui se... Il y a beaucoup de choses que vous partagez en commun, me semble-t-il. Il y a une enfance un peu errante. Oui, bah oui. Il y a une existence libre. La misère de l'enfance, il y a, la lutte de tous les jours. Oui, c'est vrai. Il y a des gens pour qui tout arrive, c'est facile. Puis nous, enfin moi, en ce qui me concerne, il faut toujours lutter pour avoir quelque chose. Mais on peut bien rire de moi. Moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandes. C'était pas mon style du tout de chanson, donc, mais je voulais donner quelque chose qui. Je crois que quand on aime la musique, tous les styles s'adaptent. C'est pas une... Il y a de la bonne musique et de la mauvaise musique. Faut faire avec. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. L'hymne à l'amour, ça rejoint un peu la quête du bonheur. Vous croyez, vous, en l'amour? Bien sûr que j'y crois. Je ne serais pas remarié si j'y croyais pas. Car moi, je mourrais aussi. On retrouve Johnny Hallyday chantant Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Dans l'émission Ce soir, on chante au Piaf, c'était le 17 janvier 2014. Le ciel bleu pour nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe, oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. Oui, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu n'importe, ou si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu. Crois-tu qu'on s'aime? C'est une émotion extraordinaire pour moi d'être venu à l'Olympia parce que c'est un petit peu un retour à mes débuts. C'est un clin d'œil que je fais à mon ami qui doit nous regarder de là-haut et qui doit être heureux, Bruno Cocatrix. Et puis surtout, c'est 40 ans de bonheur avec vous. De cette soirée spéciale, Johnny reprend les standards, les grands standards de la chanson française. On va le retrouver à Bercy en 1990. Interprète le titre de Michel Berger, Diego, libre dans sa tête. S'envolent sans effort. Johnny de A à Z, la 567e, avec la thématique Johnny qui reprend les standards de la chanson française, reprenant Piaf, Brel, Brassens, Aznavour et tant d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny et une autre thématique ou un autre album de la semaine ou un live. Qui sait. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute et votre présence chaque semaine dans cette émission Johnny de A à Z sur RIG. À bientôt à toutes et à tous. Ciao.